Section 37 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Narrateur, lu par Sonia. Alice Ferlier, 23 ans, orpheline, présentement en séjour chez son amie Marthe de Lamarre, propriétaire de l'hôtel Le Sage, à Boulogne-sur-Mer. Lu par Stéphanie. Marthe de Lamarre, 25 ans, lu par Margot. Edmond de Rigny, 27 à 28 ans, lu par Rémi. La lecture tome 3e, section 37. L'hôtel Le Sage, scénette en prose, par Louis Després. Le décor représente la salle de réception de l'hôtel Le Sage, à Boulogne-sur-Mer, c'est-à-dire une pièce tenant à la fois du salon et du bureau. Des vases de fleurs sur les guéridons et des livres de maisons de commerce sur un rayon, au-dessus d'un bureau ministre couvert, chargé de papiers et de lettres. Dans le fond, une porte à deux battants, s'ouvrant sur un vestibule qu'on entrevoit, ainsi que la cage d'un large escalier. À droite, une porte simple donnant sur une pièce qui sert de salle à manger au propriétaire de l'hôtel. Au lever du rideau, la scène reste vide un instant. Alice entre par la porte du fond, qu'elle tient entr'ouverte, se montrant seulement de profil. Elle continue de parler à une forme féminine à peine esquissée sur la première marche de l'escalier, et portant une petite lampe. La sonnette de l'hôtel, que l'on entend plusieurs fois, est placée dans l'intérieur du vestibule et doit résonner assez fort. Scène première. Alice, d'un ton animé, est prenant congé de Marthe. « Non, je t'assure, je ne suis pas le moins du monde fatiguée. Et tu dois être joliment, toi. » « Tu peux aller dormir, c'est ton heure, je le sais. Bonne nuit. » Lui envoyant un baiser. « Bonne nuit, et merci. » Elle entre en scène, après avoir fermé la porte. « Au fond, j'aimerais bien, à présent, d'être seule, pour repasser en moi-même cette journée si pleine d'émotions et de paroles, où j'ai cru revivre toute ma vie d'autrefois, au seuil d'une existence nouvelle. N'est-ce pas merveilleux? À mon entrée ce matin, dans Boulogne, cette voix intérieure qui m'a semblé me dire « Tes pas s'arrêteront ici. C'est ici que tu vas demeurer ?» Elle s'approche du bureau. Pause. « Au lieu de rêver, si j'entamais l'apprentissage de mon travail futur, voyons ce que l'instinct m'en révélera et comment je m'en tirerai seule. Pour commencer, que de lettres et de dépêches. Ah, voici mon affaire, un livre de comptes. » Lisant. Remis. À messieurs Lébertier frères, négociant en vin à Pauillac, pour les couvrir de leurs factures dues, remis à Simoneau, maréchal Ferrand. Parlez. Eh bien, si ce n'est que cela, je m'y ferai sans cassement de tête. Lisant. Note hebdomadaire du prince Casimirov, numéro 17, arrivé le 2 du courant, deuxième compte reporté. Remarque au crayon du patron. Surveillance distinguée, mais attentive. Alice, poursuivant son examen, se retourne un peu saisie au bruit de la porte du fond, soudainement ouverte. Marthe paraît et entre également en scène, après avoir déposé sur un guéridon la petite lampe qu'elle a éteinte avant d'entrer. Scène 2. Alice, attitude surprise, un peu gênée, dont ne s'aperçoit pas Marthe, laquelle vient affectueusement poser la main sur l'épaule d'Alice, qui s'est laissée tomber assise sur le siège devant le bureau. « Eh bien, non, c'est plus fort que moi. Impossible de m'en aller dormir comme cela. Le peu que tu m'as dit me trotte par la tête, m'en fait pressentir davantage, et de plus intéressant encore. Je me sens trop curieuse pour que le sommeil vienne. Tu sais, chère Alice, ce qu'il y a pour toi dans cette curiosité. » Alice, touchée. « Si un être en ce monde a besoin d'en convaincre un autre du prix et de la vérité de sa tendresse, « ce n'est pas toi, Marthe. Tu représentes à cette heure, et j'en bénis le ciel, tout ce qui m'aime aujourd'hui. » Marthe incrédule. « Ce qui t'aime le mieux, soit, mais tout ce qui t'aime, avec ces yeux-là, je ne le croirai jamais. N'importe, tu viens de bien parler. C'est ton cœur qui a dicté ces paroles, et non, je ne sais quelle fausse dignité. Quant à cette folie de te prétendre ici reçue en obligé, l'étant comme une sœur et une amie, cette persistance à vouloir reconnaître notre accueil en partageant notre travail, autant de choses dont nous ne voulons plus rien entendre. Mon mari, qui a eu l'air de se prêter tout à l'heure à la plaisanterie, prendrait fort mal toute reprise de ce sujet. Il en serait froissé, comme si tu dédaignais de recevoir notre hospitalité à titre amical. Il est très ombrageux et pas banal dans ses sympathies. Je te prie donc de ne plus revenir là-dessus. Dieu, que cela tombe mal! Tu parles d'une plaisanterie, et je n'ai jamais été plus sérieuse. Oui, tellement sérieuse dans mon désir d'être occupée chez vous, que si l'on y fait obstacle, je ne croirai plus à votre amitié. Je m'imaginerai que vous tenez à rester libre de tout engagement envers moi, n'y voulant voir qu'une visiteuse de passage, dont la discrétion vous délivrera bientôt. Marthe, la prenant par la tête et l'embrassant dans les cheveux. Folle ! Comme si je pouvais former un vœu plus cher que de t'avoir là, toujours à notre foyer. Comme si tous mes souvenirs ne se mêleraient pas à toutes mes tendresses pour t'enchaîner ici. Mais tu sais bien que tu n'es pas faite pour cette existence, ni cette carrière pour toi, et aussi que tu nous quitteras. Je sens tout le contraire, et comme mon plus cher souhait à moi, c'est de ne plus vous quitter, mon cœur me dit que je vais demeurer auprès de vous. Écoute au reste, et tu vas voir à quel point est naturelle, conforme à toutes les réalités de mon présent, l'offre qui t'effarouche. D'abord, je me demande comment un sort qui pût te convenir à toi, charmante, riche, libre de choisir, serait indigne, avec un sourire, de ma fortune et de mes mérites. Oh, moi, ce n'est pas la même chose. Je suis venue au monde. J'ai grandi dans cette vie spéciale de l'hôtel. Et toi, fille de banquier ? Alice avec un mouvement d'impatience. Tu dois connaître mes idées particulières. Je t'ai fait souvent ma profession de foi, qui est et sera toujours la même. Avantage rare pour ces sortes d'exposés. Non, je n'admets pas la hiérarchie fantasque et arbitraire qui classe au-dessous les uns des autres tel produit et tel vendeur. En quoi le livre de compte du boucher, où sont inscrits des agneaux, est-il moins noble que celui du spéculateur où figure la laine de ses bêtes, et que le carnet ou l'avocat chiffre ses injures à la partie adverse? Tu me trouves radical, égalitaire. Que veux-tu? Je pense comme cela. Maintenant, laisse-moi te dire mon ancien faible d'imagination pour ce kaléidoscope de physionomie, de destinée, de roman que présente un hôtel, pour ce passage continuel d'artistes d'étrangers, de figures mystérieuses, qui vous donne, sans fatigue, la sensation journalière de s'en aller, de revenir, de rêver des choses et des contrées. Marthe, riant. Très romanesque, en effet, ma chérie. Ce point de vue, ordinairement le kaléidoscope de destinée, le passage de mystérieuses figures, se compose de plates doléances ou d'amers reproches sur les menus ou sur les chambres. Toujours désillusionnante, enfin. Tu ne contesteras pas, à ce genre de vie, l'intérêt du mouvement et la variété de l'entourage. Lorsque l'habitude lui a enlevé son imprévu de chaque heure, il lui reste l'activité sans cesse en éveil. Tu peux suivre à présent tout l'enchaînement de ma résolution. Forcé de prendre un état, vive celui qui m'attire. Quel bonheur aussi de troquer ma solitude contre le foyer de ma meilleure amie. Ça, c'est bien, mais quant à ton idée de tenir nos livres? Dirait-on pas d'une princesse qui déroge? Va pour une princesse, on les traite si bien aujourd'hui. Une autre raison encore devrait vous faire accueillir ma demande. Rien, pas même les effusions de l'arrivée, n'ont pu te dire, Marthe, l'enchantement joyeux qui m'a saisi à revoir cette ville, où je n'étais pas revenue depuis nos adieux au couvent des dames anglaises. Marthe, lui prenant les mains. Que tu as été bonne alors! Quel refuge pour moi dans ton amitié, contre la fierté glaciale de toutes ces filles d'industriels ou de propriétaires, envers la fille d'un simple hôtelier. Après ton départ de Rennes, nous te pensions installée, avec ton mari, dans votre maison du Havre. Tu devines ma surprise, en apprenant par tes lettres cette résidence à Boulogne. Le frère aîné de mon mari a repris l'établissement paternel. Alors, nous avons profité d'une affaire excellente qui se présentait ici, d'autant plus volontiers que ce n'était pas une expatriation pour moi. Je rentrais comme dans un berceau, celui des jeunes souvenirs. C'est un peu de ma propre histoire. Après mes 3 années de retour à la maison, espoir déçu et noir pressentiment mêlés, après notre désastre, la mort de mon père, et ma taciturne retraite chez la vieille et unique parente que je viens de perdre. Il m'a semblé, je te l'ai écrit, qu'une seule chance m'était offerte pour échapper à la tristesse mortelle. Revoir le cadre de foi, de confiance et de travail où riait notre jeunesse. Aussi, lorsqu'à tes chaudes invitations je me suis mise en route, que je t'ai vue à la gare, que nous sommes descendus ensemble, dans ton panier rapide, sous un coup de soleil qui faisait resplendir les enseignes du quai et le délicieux panorama de Boulogne. J'eus comme une illumination de bonheur intime. Je me suis retrouvée moi-même, et l'avenir s'est ici fixé pour moi, si tu le veux bien. Que ne puis-je le croire, chère Alice? Alors, nous vivrions ensemble. Mais je ne le crois pas. Les gens, vois-tu, portent sur leur visage le caractère de leur avenir. Sans poser pour la diseuse de bonne aventure, je pense que la tienne sera excellente, mais hors de chez nous. Cependant, tu m'as étonnée tout à l'heure en me parlant de solitude, avant et après les malheurs de ta maison. En outre, de la vieille parente en question, il te restait des proches, des amis. Tu te trompes. La famille que j'avais, comme tout le monde, fut bientôt dispersée par la mort, les mariages au loin. Surtout par cette indifférence, pire que toutes les morts et qui les résume toutes, et qu'on voit stériliser ces fameuses branches des parentés, fécondes en tendresse, du moins dans les livres. Quant aux amis, crois-tu qu'on en trouve, qu'on en rêve une autre de ta sorte? Cependant, ta compatriote Émilie de Verne, si jalouse de tes amitiés, qui affectait au couvent de te trouver seule, digne de sa compagnie, et me traitait de si haut, pause. Je ne suis pas méchante, mais en voilà une. Je n'ai pas eu fort à m'en louer non plus. Sa prétendue préférence au couvent était affectation pure. Son principal défaut resta la pose et le manque de naturel. Plus tard, en nous retrouvant dans le monde, il lui plut au contraire d'affecter la froideur, l'éloignement même ensuite, dans une circonstance pénible pour moi et qui pouvait décider de mon avenir, afin de ne pas voir dans ses actes, en plus de la froideur, une véritable hostilité, j'ai dû fermer les yeux. On n'en voit que davantage lorsque les yeux ne se ferment pas d'eux-mêmes. Alice se ranimant. Tiens, tu as tort d'évoquer ces choses. Leur appel a mis comme un nuage sur mon ravissement. Pour me consoler, il ne vous faudra pas moins, avec câlinerie, que me céder sur ce que je veux, pendant quelques jours, pour essayer. Sur un geste de résistance faiblissante chez Marthe. Qu'est-ce que cela peut vous faire? Je ne prends la place de personne. Si l'on est mécontent de moi, alors il sera toujours temps de me remercier. Voyons, à quoi commençons-nous? Tu l'exiges absolument? Je t'en prie. Elle s'installe dans le bureau. Par exemple, il ne faut m'aider que dans la mesure nécessaire pour éviter des erreurs. Indique-moi seulement les lignes générales de mon emploi. Tu verras tout de suite si je suis intelligente, si j'ai des dispositions. Marthe, s'asseyant auprès d'Alice devant le bureau, toutes deux de profil. Je ne veux pas te contrarier. Il rentre ici dans mes habitudes à cette heure de classer les lettres arrivées par les derniers courriers de France et de l'étranger. La clientèle anglaise, tu ne l'ignores pas, avec l'américaine, domine tout à fait chez nous. Au début, on a quelque peine à se reconnaître dans ces souscriptions exotiques, mais en quelques jours, on s'y fait. C'est un travail d'enfant, réclamant un peu d'attention seulement dans les tri à faire entre les missives destinées aux personnes actuellement à l'hôtel, à celles que l'on y attend et aux voyageurs repartis qui ont laissé leur adresse. En voici une, par exemple, dans cette dernière catégorie. Le destinataire s'est remis en route avant-hier, après nous avoir laissé des instructions pressantes. Nous devons les suivre. Je suis ici pour cela. Donne, et dis-moi où je dois expédier celle-ci. Marthe, tenant toujours la lettre entre ses doigts. Attends que je consulte le registre spécial. Elle tire à elle un cahier oblong, du rayon où sont les livres de commerce. Voyons, 27 juillet, Monsieur Edmond de Rigny, à Paris. Alice se levant, très impressionnée. Que me dis-tu là? Est-ce vrai? Voilà bien de l'extraordinaire. Comment? Il est venu par ici? Marthe à part. Comme elle est émue. Oh! Tu connais donc ce monsieur d'Origny ? À part. Je le pensais bien, qu'elle ne m'avait pas tout dit encore. Alice se remettant avec peine. Tu le devines, Marthe. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce nom. Autrement, ma surprise serait inexplicable. Il s'agit d'une personne que nous avions coutume de voir jadis dans le monde, à Rennes. Et puis, ces rencontres diminuées, finies, la chose n'est point rare, sans prétexte et sans cause, comme elles étaient nées. Des événements d'une autre gravité sont survenus alors, qui m'ont tout absorbé. Peut-être, cependant, n'est-ce qu'une similitude de nom. Il me semble que ça ne doit pas être le même. C'est drôle, il me semble à moi que ça ne peut pas en être un autre. Du reste, juge par tes yeux. Alice, après un rapide coup d'œil, est très émue. C'est toi qui as raison. Ne pouvant s'empêcher de revenir au nom écrit et de l'examiner longuement. Voilà qui est plus étrange encore, cette écriture. Regarde, ne te dit-elle rien? Quel fâcheux retour d'une vision de chagrin. J'étais si heureuse. Tristement. À présent, je ne le serai plus jamais. Marthe, après examen de l'adresse. Non, elle ne me dit rien, cette écriture. Elle me rappelle bien quelque chose. Tout nous rappelle quelque chose. Mais à part ça, je n'y suis point. Eh bien, c'est l'écriture d'Émilie de Verne. J'ai reçu d'elle trop de lettres pour m'y tromper. J'en suis sûre. Marthe avec sang-froid. Et quand cela serait? La rencontre est amusante, je l'avoue, mais sans rien de merveilleux. Émilie a bien le droit d'écrire à M. d'Origny, son parent, beau-frère, cousin d'enfance, que sais-je? Alice avec un dépit rentré. Non. Marthe très sérieuse. Ah, il y a autre chose? Oui, il y a autre chose. Mais des choses que j'ignore, grâce à Dieu. Celles que je sais sont assez tristes, et la simple défiance des autres me suffit. Confie-toi à celle que tu as nommée, si justement ta meilleure amie. Dis-moi tout. Eh bien, ce jeune homme, à nos premières rencontres dans le monde, a paru s'occuper beaucoup de moi. Je puis te le dire, puisque cela fut de notoriété. On a même, à propos de nous, mais sans raison aucune, parlé de mariage, ainsi que la voix publique le fait souvent dans les petites et même dans les grandes villes, où ces sortes de nouvelles sont l'unique intérêt de la causerie, à ce point qu'on les invente. C'est à partir de cette rumeur que la malveillance d'Émilie contre moi se déclara davantage, et que M. d'Érigny devint un visiteur plus assidu dans la maison de notre ancienne compagne. Bientôt, ce n'est plus mon nom qui se trouva réuni avec le sien dans les conversations de la ville, mais celui d'Émilie. Elle était donc encore demoiselle à marier dans ce temps-là? Non. Ah, la méchante femme! Et lui ne vaut guère mieux. Mais enfin, habitant la même ville, tu n'as pas été sans le revoir jamais, après la fin de vos rencontres dans les salons. Je ne l'ai plus rencontré que par hasard dans la rue. Il me saluait alors avec le plus aimable respect et une expression de tristesse, comme s'il eût prévu les désastres qui allaient fondre sur nous. Un jour, il a quitté Rennes. Tu sais comme le cours de ma propre vie a changé. Autant de causes d'oubli. Si je pensais encore à lui, c'était comme à l'une de ces figures où on a cru voir refléter les sentiments dont certaines âmes ont besoin pour aimer à vivre. Tout cela est bien nuageux, n'est-ce pas? Mais enfin, si je ne devais connaître du livre de l'amour que cette page délicate, je m'en serais tenue satisfaite, sans l'ombre inquiétante dont la main a tracé ce nom. Marthe, ironique et indignée. Vraiment? Ah, ça vois-tu, la mine qu'elle ferait, cette insolente, si elle soupçonnait dans quelle main est à présent le secret qui représente son repos, son honneur, sa vie. Double moralité. Il faut toujours marcher droit et ne jamais blesser personne. Désignant la lettre. Ça doit être joli, ce qu'il y a là-dedans. Je n'ai pas trop l'idée de ces choses, mais je me doute bien de ce que cela peut être. La sonnette principale de la maison retentit avec un certain fracas, puis de roues. Oh, moi je ne m'en doute pas et désire encore moins le savoir. On frappe légèrement à la porte du bureau. Marthe va l'ouvrir. Après une légère conversation à voix basse avec une personne qu'on ne voit pas, elle rentre en scène. Marthe avec une expression singulière. Alice, mon enfant, Tout ceci ne t'a pas trop agité, je l'espère. Tu es de sang-froid ? Alice, d'une voix qui dément ces paroles. Assurément. Pourquoi me le demander ? Parce que tout à l'heure, je t'ai vu respirant la gaieté, et que depuis cette lettre, je ne sais quoi t'a enlevé ton sourire. J'avais raison, tu vois, de dire que les choses d'ici n'étaient pas faites pour toi. Alice dissimulant mal son inquiétude. Tu as un autre motif, tout nouveau, de me tenir ce langage ? Eh bien oui, on est venu frapper à cette porte pour m'avertir que le voyageur parti avant-hier, c'est-à-dire M. Edmond d'Origny, inopinément arrivé par le train de ce soir, demande à réoccuper son ancienne chambre, si elle est libre. Ce brusque retour, coïncidant avec la lettre, me dicte mon devoir. J'entends lui refuser cette chambre. Il va paraître. Cela rentre dans l'emploi que tu as sollicité, de répondre à ces sortes de demandes. Es-tu prête à le faire ? Comment ? C'est à moi de lui déclarer qu'on ne veut pas le recevoir ici ? Pourquoi donc ? Marthe, d'un ton saccadé. Oh, cela ne m'embarrasse pas, je t'assure. Il te suffira de lui dire que l'hôtel est plein, du haut en bas, ce qui est à peu près vrai. Au reste, qu'il te croie ou non, il n'importe. J'ai le droit de défendre que ma maison serve de théâtre à un scandale. Je vois d'ici le commissaire et son écharpe, et messieurs les jurés, car il n'en faut point douter, c'est un rendez-vous criminel. S'il te reste quelque intérêt au cœur pour ce misérable, tu ne l'auras jamais autant prouvé qu'en l'invitant à ne pas demeurer une minute de plus chez nous. Je pressens une catastrophe. Tu me fais peur. J'aurais préféré ne pas le voir, mais puisqu'il s'agit de sauver quelqu'un. Si cela te paraît trop pénible, c'est moi qui me charge de lui apprendre à respecter l'hôtel Le Sage et de l'envoyer promener, en termes clairs. Alice cédant. Non, vraiment, tu es trop fâchée. Pourquoi le rudoyer et lui faire affront ? Tu es admirable. Après l'offense qu'il t'a faite, c'est toi qui me prêches la douceur pour lui. Enfin, je te cède, mais à deux conditions. D'abord, tu lui remettras toi-même la lettre, ce qui ne peut manquer d'être piquant. Ensuite, tu seras inflexible sur la question de logement. Quelque près que soit, le monsieur a tout accepté. Mais je l'entends qui vient et te laisse. Alice inquiète. Comment toute seule ? Où t'en vas-tu ? Dans la salle à manger, presque contiguë à ce bureau. Elle entr'ouvre la porte à droite. Regarde, nous serons très près l'une de l'autre. Maintenant, du calme. Alice l'accompagne quelques pas vers la pièce voisine. Faisons la part de l'ennui de pareille entrevue à ta place. Je ne serais pas fâchée de voir la mine de ce vainqueur. Au même instant, la porte du fond est ouverte par le concierge galonné de l'hôtel, et l'on voit entrer, en élégant complet de voyage, Edmond d'Erigny, qui s'avance sur le devant de la scène. Scène 3. D'Erigny, seul. Ce n'est pas malheureux que la dépêche m'ait trouvé dans un mien, après ces 3 jours de vaine pause. Délicieuse femme, Madame de Verne, et je l'adore, mais fantasque et déconcertante. Sans la dépêche, je repartais ce soir pour Paris, où je n'avais plus rien à faire, pendant que sa tardive lettre m'aurait attendu dans Boulogne. Enfin, tout est bien qui commence mal. Alice, rentrée en scène et passant derrière d'Erigny qui fait face au public, est allée se rasseoir devant le bureau. D'Erigny, se retournant, l'aperçoit et s'adresse à elle. « Pardon, madame !» Alice, se rasseyant après un rapide salut. « Monsieur ?» D'Erigny à part. « Tiens, ce n'est pas la même. »« Oh !»« Pardon, je croyais trouver ici madame de Lamarre, la propriétaire de l'hôtel. Je suis déjà connue d'elle pour avoir séjourné dans la maison. » À part. Est-ce une hallucination ? Quelle ressemblance extraordinaire ! Cela se voit, paraît-il. Oh ! J'avais demandé qu'on me retournât les lettres survenues après mon départ. Il a dû ce soir même en arriver une que l'on n'a pas encore réexpédiée, je l'espère. Mais peut-être... Il hésite. Madame, n'en savez-vous rien ? Veuillez donc excuser. Alice paraissant plongée dans ses écritures. « Madame de Lamarre m'a confié le soin de la représenter pendant quelques instants. » D'Erigny à part. « Jusqu'à la même voix. C'est cela tout à fait, mais ça peut aussi n'être pas cela du tout. Oh. Madame ou mademoiselle ? Pause. À part. Silence. Elle ne se compromet pas. Oh. Je vais être indiscret malgré moi. Votre vue me ramène à de si belles années, me rappelle si exactement une personne. Alice très vivement. Non, monsieur, ce n'est pas moi, et votre souvenir vous trompe. D'Erigny, à part. Quelle vivacité ! Oh, gaiement. Tant mieux, mademoiselle. À part. Elle ne proteste pas contre le titre, je préfère cela. Oh. Tant mieux, si ce n'est pas vous, et permettez-moi de m'en féliciter. Alice, choquée, à part. Tant mieux. Se retournant à demi et d'un ton très réservé. Pourquoi, monsieur ? Parce que je n'aurais pas osé lui dire à elle-même ce que j'ose exprimer devant sa parfaite image. Vous souriez. Courage sans gloire et inutile, me dit votre sourire, de parler à une image. Je ne le crois pas. Ah, je suis un mystique, moi. Notre absolue ressemblance, c'est quelque chose de nous. Et notre culte à celle d'un être cher ne s'arrête pas en route et ne s'égare jamais. Alice, très froide. Vous n'êtes pas entré dans ce bureau, monsieur, seulement, j'imagine, pour y faire cette profession de philosophie très gracieuse. Mais au-dessus de mon intelligence. À part. Quel air de gaieté, de bonne humeur, comme il cache bien son trouble. Quel endurcissement dans le mal. Et moi qui frémis encore aux dernières paroles de Marthe. Oh. S'il ne vous convient pas, monsieur, d'attendre madame de Lamarre, vous plairait-il de m'expliquer l'objet de votre démarche ? D'Erigny, d'un ton méthodique et posé. Il est simple et double à la fois. D'abord, je voudrais savoir si la chambre que j'ai quittée avant-hier est libre ce soir. Je voudrais ensuite retirer la lettre qui vient sans doute d'arriver au nom de monsieur Edmond D'Erigny. Alice, imprudemment. Oh, je le savais. D'Erigny, très surpris. Comment cela ? Je ne m'étais pas encore nommé. Alice, à part. Sotte que je suis. Oh, avec embarras. Madame de Lamarre m'ayant parlé d'une lettre à renvoyer, j'ai deviné, au hasard, que c'était celle-là. À part. Oh, je suis fâchée d'avoir pris la place de Marthe. De plus en plus miraculeux. Mais si vous alliez me retourner cette lettre, comment supposer que je sois venue la réclamer ? À part. Ça sent l'énigme par ici. Je gagerais que c'est elle. Ah, quel imprévu de la retrouver dans ce bureau ! Oh. Trêve d'insistance puérile, et croyez que je ne m'inquiète pas autrement de ce billet, dont je sais d'avance le contenu. Alice, à part. Quelle effronterie ! Comment peut-on en venir là ? D'Erigny, à part. Demain matin vaudra mieux pour tirer la chose au clair. Oh, et saluant. Grâce pour mon indiscrétion, mademoiselle. On a dû transporter mon bagage chez moi, je me retire. Alice, se levant extrêmement troublée. Je suis chargée, monsieur, de vous dire que cette chambre est occupée. Une famille anglaise, américaine. Il en est arrivé beaucoup depuis. D'Erigny, à part. Diable, elle sera à l'étroit, la famille, si elle comprend plus d'une personne. Oh. Je ne suis pas encore tout à fait maniaque. Si cette chambre est prise, va pour une autre. Alice, redevenant plus calme. Il n'y en a pas une autre non plus. Et quoi ? Tant d'Américains et d'Anglais que cela ? Enfin, j'ai fait campagne, mademoiselle. Je suis né voyageur. Et ne m'inquiète pas d'une nuit mal passée en chemin de fer ou dans une hutte de chasseurs à l'affût. Je me résignerai donc à battre la ville en quête d'un gîte, ou même, tenant compte de la foule, à coucher sur un billard ou dans un fauteuil. Mais il y a dans vos traits et vos paroles un air d'agitation et de réticence qui me trouble et m'intéresse. Puis-je attendre ici, madame de Lamarre ? Alice, avec l'énergie d'une vive inquiétude. Non, monsieur. Et quand même vous le pourriez, je vous supplierai de n'en rien faire. Elle est envers vous, dans des dispositions telles que vous seriez fâché de l'avoir vue. Nous ne nous connaissons pas, monsieur. Mais quelquefois, un meilleur conseil nous vient d'une bouche étrangère et d'un passant, que de nos plus vieux amis. Suppliante. Ne restez pas ici davantage. Ou plutôt, qu'on ne vous y revoie plus. Si vous saviez comme c'est grave, et que de risques pour tous. Songez, cette maison compromise, votre avenir perdu, une tête folle, à jamais flétrie. D'Erigny, à part. Délicieuse dans son égarement. Sans doute elle divague. Ce n'est plus la jeune fille digne et timide que j'ai connue. mais elle me charme sous les deux aspects. Oh. Très touchée, mademoiselle. Cependant, vous avouerai-je que je ne saisis pas très bien? Ainsi, je cours présentement un grand danger? Alice pressante. Oui, monsieur. Vous et d'autres aussi. Quel danger? Très galant. Et quels autres? Pas vous, du moins, je l'espère. Alors, que m'importe? Alice à part. Son ironie me fait mal. Elle devrait plutôt m'irriter. Oh. Voyons, monsieur, vous m'entendez bien. Il serait cruel de me forcer à dire ce que je dois ignorer. Dussiez-vous prendre pour une explosion de sollicitude incroyable ce que je vous dis là, je le préfère à la honte d'être supposé par vous déloyalement indiscrète. Mais non, dans ces périls accumulés, ce n'est pas à vous que je pense, c'est à ma chère Marthe, à son honnête toi devenu le mien. Thérini, à part. Rien d'aussi joli qu'elle dans cette exaltation. Il me manque seulement de la comprendre à présent pour être sûr que je m'entendrai bien avec ce genre de petite femme-là. Oh, protestant. Indiscrète, vous ? Alice vraiment alarmée. Mais si vous restez, comment sortir de là ? Thérini à part. Cette fois, point de doute, c'est bien elle. Oh. C'est étrange, mademoiselle. À mesure que je deviens plus certain de vous prendre pour vous-même, vous me prenez de plus en plus pour un autre. Alice le défiant. Dites que vous n'êtes point monsieur Edmond d'Irigny et que cette lettre ne vous appartient pas. Je suis celui que vous venez de nommer, et cette lettre est bien pour moi. Alice tenant toujours la lettre. Oh, la maudite lettre. C'est trop de sévérité, mademoiselle. Personnellement, cette missive m'est très agréable, et si vous l'aviez lue, vous comprendriez. Alice scandalisée. Oh, monsieur, me parler sur ce ton, de ces choses. Mais comme il est de toute impossibilité que vous en sachiez le premier mot, je me demande ce qui vous peut troubler ainsi. Deux coups de sonnette pressants et rapprochés. Alice à part. Plus une seconde à perdre. Oh, s'exaltant. Monsieur, si j'ignore le contenu de cette lettre, j'en connais l'écriture. Je reconnais la main d'une ancienne amie, que je rougirais de nommer ici à cette heure. Quel excès de scrupules! Pourquoi mademoiselle Alice Ferlier rougirait-elle de nommer madame Émilie de Verne? Pause. Heureusement, enfin, c'est vous, mademoiselle Alice, un des beaux souvenirs de ma jeunesse, et que je suis bien heureux de revoir après cette dure séparation. Alice sévère. Voilà, monsieur, des sentimentalités, qui seraient, sinon moins bizarres, plus respectueuses si elles n'étaient pas dites. Elle lui tend la lettre. Devant ceci. D'Irigny, sans la prendre. Ah, mais que supposez-vous donc qu'il y ait dans cette lettre? Cela m'intrigue. J'en ai reçu quantité de la même personne. Aucune n'avait jamais produit cet effet terrible. Alice, très émue. Monsieur, quand ma pensée se reporte, le moins souvent que je puis, vers les jours d'autrefois, je vois un temps où les hasards du monde me firent vous rencontrer, d'abord presque tous les jours. J'ai cru pouvoir ensuite fixer une influence précise à la rareté de vos apparitions, là où l'on avait l'habitude de vous voir auparavant. Enfin, dans les propos de la ville, votre nom était réuni, souvent à celui... Quoi de plus naturel ? Ajoutez que la chronique, bien inspirée cette fois, disait aussi que j'avais rêvé d'unir ma destinée à celle d'une jeune fille, ah, mes beautés d'élite, et que, sans les événements contraires... Je me suis au moins loué d'une chose dans notre désastre, c'est que vous n'ayez point dû le partager. Thérini avec chaleur. Fi, mademoiselle, quelle basse pensée me prêtez-vous là ? Puisque vous n'avez pas tout oublié de ce temps, peut-être vous rappelez-vous ma profession d'alors ? Je n'étais pas seulement un valseur à toute épreuve, un baryton complaisant, et un cœur sincèrement attiré vers vous. Mouvement d'Alice. Vous ne me croyez pas? C'était cependant... C'est toujours vrai. En dehors de ces trois occupations, j'en avais une autre, représentant d'ailleurs à peu près toute ma fortune, attachée à l'administration des finances, et ne rêvant qu'avancement. Vous me croyez cette fois? Gaiement. Vous avez raison, il faut toujours me croire. Très recommandée à la famille de madame de Verne, passionnée et musicienne, comme vous savez. Je dus à notre communauté de goût, et à ma voix toujours prête, l'entrée d'une maison dont la maîtresse devint bientôt la confidente de mes ambitions. Elle se mit même quelque peu dans la tête de me marier à l'une de ses cousines. De là cet air d'accaparement qui vous a laissé de mauvais souvenirs, et qui se traduisit en concours effectif pour moi. J'obtins d'abord une place dans un gros bourg de Normandie, en attendant le chef-lieu d'arrondissement promis à mes capacités. C'est très loin de vous que j'ai appris la ruine injuste de monsieur votre père, Et comment votre noble abandon de la fortune maternelle vous avait fait non seulement sauver, mais rehausser encore la dignité du nom. Cependant, Madame de Verne dut renoncer bientôt à faire de moi son parent. La cousine dont s'agit s'était mariée d'elle-même au cours de nos vagues négociations, auxquelles je n'ai jamais pris, croyez-le, la moindre part, où mon nom même n'a pas été prononcé. Pour finir, je viens d'être officiellement nommé receveur à Boulogne, ce dont me félicite la lettre que vous tenez en main. Oh, vous pouvez la lire. Alice la décachetant d'un geste fébrile. Voyons. D'Hérigny à part. Tiens, elle ne me croyait pas encore. N'importe, le mouvement est bon. Alice tendrement confuse. Oh, monsieur, quelle honte! Et me pardonnerez-vous? Sous quel jour ridicule, presque odieux, j'ai dû vous apparaître. Celle que j'osais juger si mal valait mieux. Elle rend la lettre à D'Hérigny. Ne voyez-vous pas avec moi dans tout ceci la main elle-même de nos bons génies? Mais vous n'avez pas lu la fin. Non. Alors lisez-la tout haut, pour votre pénitence. Alice lisant. Maintenant que l'ambition est satisfaite, mon cher monsieur, il serait temps de faire partager votre triomphe à quelque brave jeune fille. Celle que vous choisirez se louera de son sort. Puisque vous avez le rare mérite d'être bon et gai, je vous souhaite d'en trouver une qui vous plaise autant que celle dont les circonstances vous ont séparé. Sans être trop optimiste, j'aime à croire qu'il y en a d'autres. D'Hérigny, l'interrompant et faisant tomber la lettre à terre, prend les deux mains d'Alice et les presse sur ses lèvres. Non, il n'y en a pas d'autres. Scène 4. Les mêmes, Marthe, rentrant par la porte de droite et s'arrêtant stupéfaite. D'Hérigny, gaiement. Votre nouveau receveur, madame, et sa fiancée. Alice tombant dans les bras de Marthe et l'étreignant. Oui, Marthe. Il y avait cela dans la lettre. Je t'expliquerai tout. Laissez-nous, monsieur, je vous prie. D'Hérigny salue, prêt à se retirer. Marthe mélancolique. Je t'avais bien dit que tu ne tiendrais pas longtemps les écritures d'ici. Mais au moins, je le veux faire. Ou tout est rompu, jusqu'au jour de la noce. D'Hérigny joyeusement. Qui se fera dans le premier hôtel de la ville. Saluant Madame de Lamare. M'y recevra-t-on ce jour-là? La toile tombe. Fin de la section 37.